France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Quelle que soit la fatigue, combien nombreuses et incalculables peuvent être les heures passées sur un bateau. Les marinières, les mariniers n'ont sans doute qu'une angoisse, être obligés de débarquer, d'arrêter. En 1988, la batellerie artisanale était en crise. Un avenir, la reconversion dans la batellerie de tourisme. Pour les mariniers, les gens à terre sont peut-être une race à part et inversement. Et puis les mariniers, l'eau, les canaux, les éclusiers, ça se chante. Suite et fin de la série des Nuits magnétiques consacrées aux mariniers, une émission de Josette Collin réalisée par Mehdi Alhadj, prix Paul Gilson, 1988. Les mariniers se recyclent, les péniches aussi. Première diffusion sur France Culture le 22 janvier 1988. Présentation, Laure Adler. Depuis une heure qu'il était là, le commissaire n'avait songé qu'à se familiariser avec un monde qu'il découvrait soudain et sur lequel il n'avait, en arrivant, que des notions fausses ou confuses. L'éclusier lui avait dit « il n'y a presque rien dans le bief. Deux moteurs avalants, un moteur montant, qui a éclusé l'après-midi, une vidange et deux Panama. » Puis le chaudron est arrivé avec ses quatre bateaux. Assis au bord de cette bande régulière d'eau plate, semblant s'étirer dans une solitude absolue, le commissaire vit à l'horizon une péniche. Elle s'avançait lentement. À son bord, une jeune femme blonde aux cheveux bouclés, accompagnée de deux jeunes gens à l'air décidé. Nuit magnétique, les mariniers. Josette Collin, Mehdi Alhadj, Michel Créis, quatrième partie. Les terriens les imaginent avec des casquettes de marins, bougons et bucoliques, savourant la pipe entre les dents les paysages qu'ils traversent l'humeur vagabonde, pendant que Bobonne lave son linge ou arrose ses géraniums en regardant passer les vaches. Ce qu'on oublie, c'est l'insécurité permanente d'un métier qui dépend du temps, les journées de 13 heures, le bruit du moteur, les 30 écluses à passer par jour et l'attente. Aujourd'hui, les mariniers envisagent l'avenir. Le trafic fluvial a diminué de 38% en 10 ans. C'est beaucoup et c'est énorme, Josette. Donc ils se recyclent, ils essayent de se recycler. Eh bien oui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, hélas, à devoir débarquer avant l'âge de la retraite. Leur réinsertion professionnelle à terre n'est pas sans poser des problèmes, car elle s'accompagne évidemment d'un grand changement de mode de vie. Alors que deviennent ces péniches? Eh bien, ces péniches sont souvent reprises par ceux d'à terre, comme disent les mariniers. Ceux d'à terre qui viennent élire domicile sur les fleuves, et c'est le cas de Dick Annegarn. Je vois ce que sont les mariniers par rapport à comment les gens regardent mon bateau. À vrai dire, je les voyais pas. Hein. J'ai compris sur un canal pourquoi. Je veux dire, un canal est quand même assez isolé. Je veux dire, on ne trouve pas des boutiques au bord d'un canal. Et donc, les boutiques, les gens ne voient pas tant que ça. D'ailleurs, ici, le dimanche, l'écluse, c'est un pôle d'attraction. Pour dire que c'est un peuple nomade qui vit quand même assez isolé quoi, de la population. Bon, en Hollande, on les voyait un peu au-dessus de la route, quoi. On voyait une ombre marinière, mais on voyait pas vraiment quoi, dedans, quoi. D'ailleurs, les gens, toujours, ils sont curieux quand ils passent, ils disent « on voudrait bien savoir comment c'est là-dedans ». Parce qu'on s'imagine pas. Et c'est vrai que je m'imaginais pas du tout. C'est en fait, je les ai découverts chez eux et chez moi, une fois sur le bateau, où il y a une espèce de réseau interbateau qui est quand même assez coupé du monde. Alors, à vrai dire, l'image qui me vient maintenant, c'était une fiancée qui était devant et un fiancé qui était devant aussi. Et puis, ils reculaient tous les deux, ils reculaient sur leur pont pour pouvoir se parler. On croit que les mariniers, ils sont l'un chez l'autre, mais en fait, ils se croisent quand même. Ils se longent, quoi. On ne peut pas dire qu'ils vivent vraiment avec. C'est toujours un peu, ils sont toujours en train de s'éloigner, et puis de s'approcher aussi, du coup. « L'éclusier de Dizzy lui avait dit en plaisantant. Quand il pleut nulle part ailleurs, il y a au moins deux endroits où l'on est sûr de voir tomber de l'eau. C'est ici et à Vitry-François. Maigret approchait de cette ville et il commençait à pleuvoir à nouveau. Une pluie toute fine, paresseuse, éternelle. L'aspect du canal changeait. Sur les rives se dressaient des usines et longtemps le commissaire roula au milieu d'un essaim d'ouvrières qui sortait de l'une d'elles. Un peu partout, il y avait des bateaux en déchargement, d'autres en vidange qui attendaient. Et l'on revoyait des petites maisons de faubourg avec des clapiers faits de vieilles caisses, des jardins pitoyables. Tous les kilomètres, une fabrique de ciment, ou une carrière, ou un four à chaud. Et la pluie mêlait la poudre blanche éparse dans l'atmosphère à la bout du chemin. Quand il aperçut l'écluse de Vitry-François, la nuit tombait, piquetée de fanaux blancs d'une soixantaine de bateaux en file indienne. Quelques-uns dépassaient les autres, se mettaient en travers. Et quand il en arrivait en sens inverse, on entendait des cris, des jurons, des renseignements lancés à la volée. « Hé, le Simoun, ta belle-sœur qui était à Chalon-sur-Saône, te fait dire qu'elle te retrouvera sur le canal de Bourgogne. On attendra pour le baptême. Les amitiés à Pierre !» Sur les portes de l'écluse, il y avait 10 silhouettes affairées. Et par-dessus tout, un brouillard bleuâtre, plus vieux, dans lequel on distinguait les silhouettes des chevaux arrêtés, des hommes qui allaient d'un bateau à l'autre. Maigret trouva le patron de la Providence sur le quai, en grande discussion avec d'autres mariniers. « Ma chérie !»« Il y a 50% de mes amis qui sont déjà débarqués, et même de la famille. » C'est-à-dire qu'ils ont plutôt prévu que la situation s'aggrave. Donc ils ont vendu le bateau, soit à la ferraille, soit qu'il est vendable. J'ai un beau-frère qui l'a vendu, il était vendable, et puis maintenant il fait le routier. Moi j'avais le choix d'acheter un commerce par exemple. Ça nous a passé par l'esprit, ça, on s'est renseigné déjà cet hiver. C'est surtout la façon, on voudrait rester indépendant malgré tout. Mais le tout est de choisir une branche qui marche encore. Quoi. C'est ça, si on se casse la gueule quand même dans quelques années. Mais on souhaiterait conserver cette indépendance malgré tout. C'est un peu ce qui nous attache le plus au bateau. Bien qu'on soit tributaire de tout un tas de choses, mais dès l'instant qu'on navigue, bon, ben, on est quand même notre maître. Quoi. C'est-à-dire le fait de diriger quelque chose, d'avoir le bateau en main, et puis on découvre quand même des paysages sous un autre angle. C'est très très intéressant. Et beaucoup de gens s'intéressent maintenant, ils ont découvert un petit peu, grâce au tourisme fluvial justement, ils ont découvert l'attrait de ce métier. Il y a quelques personnes extérieures à la batellerie qui sont venues chez nous. C'est assez rare, mais enfin il y a des gens qui se sont passionnés pour ça, et qui seraient même accrochés, pas plus que certains mariés, mais disons qui voudraient que ça bouge. Et certains ont pris un bateau justement et sont devenus bateliers. Pas beaucoup, mais il y en a, j'en connais quelques-uns qui sont venus. Diminue, là après ben, les frais vont baisser et puis c'est une chaîne sans fin. Hein. C'était un cercle vicieux. Bien sûr. Vous n'avez pas encore envisagé l'idée de débarquer quand même? Ben, malheureusement, on y pense sérieusement, mais il y a toutes sortes de problèmes. Le fait de trouver un acquéreur, la plus-value. Et après, ben, faut trouver un emploi à terre. Alors disons qu'il faut déjà être sûr de trouver quelque chose avant de mettre en vente. Et puis après, ben, c'est difficile à arriver à tout concilier. Disons que j'aurais bien aimé gagner la retraite sur le bateau, terminer la carrière là. Parce que bon, ben, il reste à peu près 10 ans à travailler, on aurait préféré les finir. Parce que on n'a jamais eu l'habitude de travailler à terre, hein. Alors disons que le changement doit être brutal. Hein. Vous avez des collègues à qui c'est arrivé? Ah oui, il y en a déjà. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein. Comment ça se passe? Dans l'ensemble, ça se passe assez bien, bien sûr, au départ. Mais malgré tout, tout le monde regrette le bateau, plus ou moins. Évolue tellement vite, la force des mécaniques, etc. C'est un peu comme sur la route, ça va de plus vite en plus vite. Les règlements de navigation, et pour satisfaire le client en dernier, ils ont programmé les bateaux, c'est-à-dire que vous aviez X temps, vous deviez arriver dans un port à telle date, il y a beaucoup de places qu'il fallait marcher la nuit, etc., se presser. Donc on se trouvait un petit peu dépassé. Quoique j'ai arrêté, que j'avais 68 ans, malgré ça. Mais j'ai jugé que, moi et ma femme, qu'on était dépassés et il était plus sage de débarquer. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à terre. Notez bien, j'ai toujours plus ou moins la nostalgie du bateau. J'aime bien encore. Dernièrement, j'ai encore été voir mon fils dans le Nord. J'ai conduit son pousseur parce que ça me faisait plaisir encore de le conduire. Puis voyager, enfin, c'est difficile, ça. Parce qu'un bateau, un marinier, il est constamment en route, il voit du pays, il voyage. Surtout ma femme, elle a eu beaucoup plus de mal à s'y faire que moi. Oh, ben ça, au début, c'est assez dur, hein, parce que je vois, pour moi, c'était les voyages. Parce que j'aime bien voyager. Alors, toujours été sur place. Alors, ben, je demandais à mon mari qu'il me conduise en voiture un petit peu partout. Mais c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas son chez-soi. Au bateau, on voyage, mais on a son chez-soi avec. Mais s'il vit dans un appartement, un marinier dans un appartement, c'est un lion de cage. Moi, la première, je ne savais pas, je l'ai découvert l'année dernière. Je suis allée en maison de repos, j'avais été hospitalisée. Et puis après, bon, ben, au bateau, c'est pas facile pour se reposer. Il ne fallait pas du tout que je travaille. Hein. J'ai dit, je vais aller en maison de repos, là, je serai certaine de ne pas travailler. J'ai tenu 10 jours et au bout de 10 jours, j'ai dit, s'il ne me laisse pas partir, de toute façon, je me sauve. J'étais dans un appartement, un immeuble. Pas l'habitude de parler de ces choses-là. J'étais dans un immeuble, je tournais en rond dans les couloirs, j'étais énervée et tout. Alors après, bah, je disais, on n'est pas bien ici, on est mal. Mais après, j'ai dit au père du valet, je suis une marinière, j'étais un lion en cage, c'est ça surtout, c'est ça qui n'allait pas. Quand on vit quelques jours à la maison, puis qu'on revient au bateau, ben on dit quand même à la maison c'est quand même mieux. Hein. On a quand même les sanitaires, on a tout de même la salle de bain, on a la place, on a la cuisine. Quand on a un peu de monde, bon ben on va dans la salle à manger, on a la cuisine. Là j'apprécie quand même. Mais si j'avais ce logement de la maison sur mon bateau, alors là ça serait l'Amérique. On est allé à l'école, on a eu cette chance-là, alors que nos parents ont eu la chance d'aller à l'école, mais pas longtemps. Et leurs parents les ont retirés de l'école. Mais nous, à l'époque où on est entré à l'école, la scolarité est obligatoire. Hein. Alors bon, on a été à l'école et puis personnellement, je me suis bien rendu compte que dans la batellerie, malheureusement, il n'y a pas tellement d'espoir. Alors, il a bien fallu faire autre chose. Puis les études aidant, bon, je me suis accrochée quand même, vu que j'avais pas trop de mal à suivre les études. Et puis mon frère, lui, s'ennuyait au bateau. Il lui manquait les copains, les copines. Oh, moi, j'aimais bien revenir pendant les vacances. Hein. C'est bien la péniche pour les vacances, c'est vrai, mais moi je me vois pas travailler dessus toute l'année. Hein. Je pourrais pas. Puis c'est petit en plus. Je sais pas, moi, il me faudrait de l'espace et tout. Donc, puis on n'a pas. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, on peut pas avoir des trucs pratiques que les gens d'Ater ont. C'est ça qui me plaît pas. Parce que moi, la première, si admettons que j'habite à terre, la première chose que je ferais, j'irais m'inscrire à la bibliothèque. Alors que là, je peux pas, vu qu'on n'est jamais au même endroit, donc c'est difficile. Je vois les bouquins, moi. J'en ai plein chez moi dans ma chambre, d'ailleurs, il n'y a que ça. Et c'est pour ça que je voudrais être à terre aussi. Pour les bouquins et machin comme ça. C'est une petite excuse, mais moi, c'est la seule excuse que je me trouve. Bon, bah, je fais une collection, bah, je peux pas tout ranger, parce que c'est trop petit chez moi. Alors comme bon, c'est des cartes postales, d'accord, alors je suis obligée de les mettre dans des albums, mais mes cartes postales, je voudrais les accrocher partout, moi, sur les murs et tout ça, mais bah, je peux pas, vu que c'est trop petit. C'est pour ça que je voudrais avoir quelque chose de plus grand. Je vais dans une maison, il y a un espace, j'aurais une chambre vachement grande, je pourrais mettre quelque chose. Alors que là, bah, je peux rien faire, il faut que tout ça dans des albums, bien conservé et tout, en attendant. Mais si un jour on débarque, bah, la première chose que je fais, c'est que j'accroche tout. Vos parents, ils pensent à débarquer ? Ouais. Ils aimeraient bien, parce que bon, bah, vu que ma sœur, elle s'adapte pas, ils aimeraient bien débarquer. Alors on a écrit à Avignon, et on a écrit au maire de Conflans, Monsieur Rocard. Il nous a pas répondu d'ailleurs encore. Bateaux vont en déchirage, hein. Il les découpe au chalumeau. Il y a un plan justement pour assainir la bâtellerie. Ils veulent, d'ailleurs, ils ont mis des pré-retraites à 60 ans pour obliger, mais disons pour que les mariniers puissent débarquer plus facilement. Ils ont fait une aide aux jeunes et puis ils déchirent du vieux matériel et même du matériel en très bon état. Hein. Bon, ben nous on découpe par morceaux de 5 mètres sur 1 mètre 50. Après, ça passe à la cisaille et puis ça s'en va en Italie. Est-ce qu'il arrive que des mariniers, d'anciens propriétaires, viennent voir découper leurs chenilles ? Ah oui, oui. Oui, il y en a même qui pleurent d'ailleurs quand on les coupe le bateau. Il y en a qui, deux ou trois, les mariniers qui sont venus là, ils sont nés là-dessus, quoi, sur ce bateau-là, ils ont travaillé toute leur vie là-dessus. Et au moment qu'on les coupe, quand le gars il vient voir là, puis il se fout à pleurer à voir son bateau passer comme ça, quoi. Ça nous est arrivé deux, trois fois, oui. Tourisme, le Montreuil. Là, on vient donc. J'ai fait 2 mois dans le Nord-Pas-de-Calais avec les jeunes 16-18 ans, les fils d'agents EDF. Et donc, on a fait Douai, on a fait Lille, on a fait Dunkerque, on a fait Saint-Omer, on a fait Courtrai, on a fait Tournai, Comines. On ne tourne pas la Belgique, quoi. Et c'est 3 sessions de 20 jours qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il y a tous les vélos à bord du bateau. Il y a les vélos, il y a les toiles de tente, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'ils ne restent pas 20 jours sur la péniche quand même. Ils vont un peu à la découverte. Enfin, c'est un peu les vacances pour les jeunes, c'est à travers le monde du travail. Donc ils vont voir les filatures, les mines, le textile, quoi. Et puis... ils vont voir un petit peu la pauvreté dans le Nord, il faut vous dire ça. Et surtout les métiers qui disparaissent, donc la marine. Donc on leur communique le métier qu'on a été. Donc moi je suis marinier de naissance, hein, de toute façon. Alors sur une journée, je les emmène dans la timonerie avec moi, je leur fais voir comment que ça marche à bateau. Alors ça, c'est le plus grand plaisir qu'on peut leur faire aux passagers. Donc comme là, on va les prendre tout à l'heure. Dans la timonerie, parce que je vais les prendre en rivière, parce que sur le canal, j'ai pas assez de temps à leur consacrer, parce que nous, on est large. il faut faire attention, parce que c'est des canaux, les entrées d'écluse. C'est pour ça que je vais les prendre au-dessus de l'écluse du perchoir. Et puis, ils vont venir faire un tour. Alors là, des questions, je vous dis pas. Là c'est de ma plus tendre enfance jusqu'à maintenant. Quoi. C'est une demande. L'école, tout ça, comment que ça marche, tout ça. Ça c'est... Donc nous, on s'est reconvertis dans ce domaine-là, parce que bon, mais ça s'est passé comme ça. Ils cherchaient un couple de bateliers à Conflans-Sainte-Honorine, et ils se sont adressés à mon beau-père, donc à M. Chantre. Et puis, donc nous, dans la société où c'est qu'on était, ça, ils commençaient à vendre tous les bateaux. Alors j'ai dit à ma femme, on va essayer, on verra bien. On a essayé, ça nous a plu, la preuve. Enfin, au début, c'était dur, hein, ça s'adaptait un petit peu, le contact avec le public. C'est vrai que le marinier n'est pas... Nous, les mariniers, quand on est à deux sur une péniche, donc avant, moi, je conduisais un pousseur, le trimaran, sur la Seine, et on n'était que deux à bord. Alors, vous savez, le contact, parler avec les tas de charbon, ça répond pas. Alors là, ici, avec le public, tout ça, c'était un peu... Enfin, dur, c'est bien un grand mot, quand même, que j'emploie, là, mais c'était dur à l'approche des gens. En ce temps-là, les Péniels étaient encore des gens de l'eau douce. Ils vivaient au fil presque immobile des canaux, à l'horizontale d'un monde arasé par la griseur du ciel et recrue de silence. Ils ne connaissaient de la terre que ces berges margées de chemins de halage, bordées d'aunes, de saules, de bouleaux et de peupliers blancs. La terre était mouvance de champs ouverts à l'infini, de forêts, de marais et de plaines, rouies dans les laitances des brumes et des pluies. Paysages en dérive, étrangement lointains et familiers, où les rivières faufilaient leurs eaux lentes, dans le tracé desquelles plus lentement encore s'écrivait leur destin. Ils ne connaissaient des villes que leurs noms, leurs légendes, leurs marchés. Et leurs fêtes, racontées par l'écho qu'en donnaient ceux d'Ather qu'ils croisaient aux escales. Ils ne connaissaient des hommes que ceux rencontrés dans les biefs, aux écluses et aux gardeaux, n'échangeant avec eux que des vocables simples, équarris par l'usage et la nécessité, des mots forgés à la mesure de l'eau, des péniches, du charbon, du vent et de leur vie. Ils ne connaissaient des hommes que ce qu'ils connaissaient d'eux-mêmes. Les âpres pans portés au jour du visage et du corps, bâtis en contre-champs d'ombres impénétrables. Entre eux, ils parlaient moins encore, et à eux-mêmes, pas du tout, tant leurs paroles toujours retentissaient de l'écho dissonant d'un trop profond silence. Mais mieux que quiconque, ils avaient connaissance des luminosités et des pénombres du ciel, des humeurs du vent et du grain de la pluie, des odeurs de la terre et du rythme des astres. Entre gens de l'eau douce, ils s'appelaient plus volontiers du nom de leur bateau que de leur propre nom. Il y avait ceux de la Justine, du Saint-Éloi, du Liberté, du Bel Amour, de l'Angélus, de l'Hirondelle, de la Marie-Rose, du Cœur de Flandre, du Bonne Nouvelle ou du Fleur de Mai. Les Péniels étaient ceux d'à la grâce de Dieu. saoule la Marne qui marne le saule. Souille la vague qui va à la vase de ton tronc d'eau. L'eau lave l'eau, lave l'eau, lave l'air. Saule pleureur, saule pleureur. Roule tes hanches, tes hanches de branches, tes branches de fleurs. Vous à la voile, atolle d'étoiles, tes larmes de pleurs. L'eau lave l'eau, lave l'eau, lave l'air. Saule pleureur, saule pleureur. J'ai eu des images tellement fortes une fois sur les canaux que je me rappelle que les images que j'avais me paraissent un peu, j'allais dire hamiltonien, dire un peu flou quoi, un peu là-haut. J'ai une image très précise d'une rose que l'éclusier avait suspendue à ces espèces de barreaux gluants de mousse et d'algues qu'il y a dans les écluses du canal du Nord, surtout les écluses étant assez hautes. Bon. Donc l'eau qui descendait faisait apparaître une rose qu'ils avaient suspendue à un barreau d'échelle. Et en fait, c'était une femme qui s'était noyée la semaine précédente. Et c'était donc, voilà, c'était ce qu'elle avait laissé, quoi. D'habitude, on ouvre les quatre vannes d'une écluse que l'une après l'autre, petit à petit, afin d'éviter les remous qui pourraient casser les amarres du bateau. Mais 60 péniches attendaient. Les mariniers, dont le tour était proche, aidaient à la manœuvre, tandis que l'éclusier n'avait plus qu'à viser les papiers. Maigret était sur le quai, tenant son vélo d'une main, suivant des yeux les ombres qui s'agitaient dans l'obscurité. Les deux chevaux étaient allés s'arrêter à 50 mètres des portes d'amont d'eux-mêmes. Jean tournait une des manivelles. L'eau s'engouffra avec un bruit de torrent. On pouvait la voir, toute blanche, dans les étroits espaces laissés libres par la Madeleine. Or, au moment où la chute battait son plein, il y eut un cri étouffé, suivi d'un heurt sur l'avant de la péniche. Des mariniers accouraient de loin, et l'éclusier sortait de chez lui, affolé à l'idée de sa responsabilité. Qu'est-ce que c'est ? Le vieux. Des deux côtés de la péniche, il n'y avait pas, entre le bordet et le mur, plus de 30 cm d'eau libre. Or, cette eau, qui arrivait des vannes, glissait à toute vitesse dans l'étroit passage, revenait sur elle-même en bouillonnant. Il y eut des manœuvres maladroites. Entre autres, quelqu'un tourna une vanne de la porte d'aval et l'on entendit cette porte qui menaçait de sauter de ses gonds tandis que l'éclusier se précipitait pour réparer le mal. Après, seulement, le commissaire apprit que le bief tout entier eût pu être inondé, 50 péniches avariées. Tu le vois ? Il y a quelque chose de noir là-bas ! La péniche montait toujours plus lentement. 3 vannes sur 4 étaient fermées. Mais à chaque instant, le bateau heurtait violemment le mur du sas, écrasant peut-être le chartier. Quelle profondeur ! Au moins 1 mètre sous le bateau ! C'était épouvantable. À la faible lueur de la lanterne d'écurie, on voyait la bruxelloise qui courait en tous sens, une bouée de sauvetage à la main. Elle clama en détresse. « Je crois qu'il sait pas nager !» Et Maigret entendit une voix grave qui disait près de lui. « Tant mieux, il aura moins souffert. » Viens là. Bon. C'est une planche qui en inquiète plus d'un. C'est pas large. C'est pas large, mais elle est faite pour ça. Elle est souple. Sélective. Oui. J'ai failli vendre la péniche cet été, mais le gars qui voulait l'acheter, déjà, il a insulté ma planche, alors il est même pas monté à bord. Je vous reçois pas. Je veux dire, c'est que... ceux qui ont quitté cette péniche, ils vivent plus. Alors comme j'ai encore envie de vivre, je reste dessus. Ils vivent plus ? Non, c'est vrai, il y a des histoires qui courent sur cette péniche, comme quoi, bon, bah, il y a déjà eu un chef qui était endetté, c'est-à-dire, bon, bah, c'est une péniche qu'on s'imagine pouvoir vendre comme ça impunément pour régler ses dettes. Et en fait, il y en a deux qui l'ont vendu avant moi. Et ils ont réglé leur dette, mais alors il y en a un qui s'est pendu, l'autre il est mort de sa mort naturelle. Alors, enfin, pour dire que même endetté, heureusement qu'on me l'a pas acheté. Je sais pas où c'est que j'aurais été. Bah, à l'origine, j'ai cherché un local quand même. J'ai cherché un local pour une association. J'étais allé chercher à Anvers. J'ai habité Bruxelles pendant 14 ans. Et même j'aurais habité à Anvers, je crois que j'aurais découvert un Anvers que je connaissais pas, une Belgique que je connaissais pas. Et Anvers, bon, c'était un ancien syndicaliste qui s'était recyclé en courtage, plus ou moins suspect d'ailleurs. parce que bon, il y avait une notion de prime de déchirage. La prime de déchirage, je crois qu'il obtenait de toute façon. Donc il y avait lieu de faire peut-être de vendre le bateau deux fois, une fois à l'administration, une autre fois à un des particuliers. Bon, allez. C'était au Cagelot, Charles Stroop. Alors, j'allais là-bas sur le port. Alors, je me suis laissé pas mal imprégner. Il y a tellement de bateaux, et puis il y a tellement d'histoires qu'on est un peu, j'étais un peu gêné en fait. Les bateaux sont encore intacts. On a l'impression qu'ils ont été quittés pendant une tempête. Tellement qu'il y a encore tout. Les agrès, le mât d'ailleurs sur les. Et d'ailleurs, à vrai dire, j'en ai acheté deux. Sur les deux, il y avait et le mât, ils étaient tellement complets que bon, ben, ça semblait être des unités de vie tout à fait opérationnelles tout de suite, quoi. Je veux dire, c'était navigable, habitable, tout de suite, pour pas cher. C'est une ville d'anciens navigants ? C'est une ville, oui, de centre marinier, comme on dit. Beaucoup de mariniers qui viennent prendre leur retraite ici. Même des gens du Nord, même des Belges qui sont venus, Saint-Mamé leur plaît. Il y a beaucoup de mariniers, là. S'il fallait enlever tous les gens des vrais mamésiens, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. C'est tous des bêtes d'eau qui restent. Vous allez souvent voir les péniches ? Ah oui, on va souvent voir. Ben, j'ai encore beaucoup de copains qui là-dessus. Et mon bateau, là, mon Saint-Louis, il est à l'écluse de la Citanguette, là. Vous savez, à l'enseignement de l'écluse, là. Alors, ils viennent me chercher pour naviguer, parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, et puis ils ne savent pas naviguer encore. Alors, ils font leur bateau-logement, mais ils viennent me chercher pour naviguer un petit peu, pour les promener. Alors, tout ça, ça fait de l'ambiance, quoi. Mais qui sont ces gens à qui vous l'avez vendu ? Ils sont de vers Saint-Denis, vous savez, là, tout près de Melun. Ce ne sont pas des mariniers ? Non. Ils ont acheté ça pour faire leur petit atelier, puis faire leur petit logement. Ah ben, il y a beaucoup de bateaux de péniche qui font les logements. Alors, ils ont fait beaucoup de transformations ? Ils sont après les faire, oui. Oh, l'intérieur du bateau va être joli, hein. Elle va être bien faite. Hein. Dans laquelle ils font un appartement. Et puis, il n'y a plus de cloison, vous savez, c'est tout d'un seul bloc. Alors, ils la font eux-mêmes, ils font des chambres, ils font leur atelier, ils font leur atelier, ils font tout là-dedans. Mais c'est bien. Ah, ils sont vraiment gentils, ce gens-là. Alors, ça fait plaisir, je retourne au bateau, quoi. Ils vous ont dit pourquoi ils avaient choisi d'acheter une péniche pour habiter ? Oui, ils ont dit que pour eux, c'était à merveille. Pour eux, c'était vraiment impeccable. Ils ont même un autre copain là, qui voudrait en acheter une aussi. Mais il faut en trouver. Hein. Faut en trouver des bateaux. Enfin, on trouve toujours quand on peut, hein, quand on veut. Alors, vous remontez à bord de temps en temps ? De temps en temps, oui. Ils viennent me chercher, puis je vais les naviguer. Pour la Toussaint, on devrait monter du côté de Sens. Et après, quand ils seront vraiment bien aménagés, ils vont aller un petit peu partout, se promener quand ça sera les vacances, là. Ils vont aller se promener un petit peu partout avec leur bateau. Alors vous allez aller... Bah, j'irai les accompagner, quoi, et faire le pilote, les conduire. Et puis pendant ce temps-là, mais eux, ils apprennent. Ils apprennent à manœuvrer, à naviguer, à faire la navigation. Hein. Vous voyez, je vais avoir un docteur à Fontainebleau, là. Eh bien, il voudrait aussi acheter un bateau pour faire son logement là-dessus. Il dit, je me plairais mieux que dans un HLM. Il dit, c'est bizarre et ça m'a toujours plu. Hein. Ben oui, mais quand c'est bien aménagé, vous savez, un bateau, c'est grand. Hein. C'est joli à l'intérieur. Il faut bien y aménager, par exemple. Hein. Bref. Alors ici, voilà, la salle de bain. La salle de bain avec... qui est donc une niche. Avant, il y avait le lit ici, mais bon, comme moi j'habite maintenant dans la cale devant, j'ai gardé une niche en chambre d'amis. Et puis là, il y a donc une baignoire verte avec des robinets en or. Faux or, mais quand même. Voilà quoi. Mais sinon, donc, c'était anciennement les niches, c'est-à-dire les mariniers. Bon, mais ils, je suppose qu'ils vivaient là-dedans, mais surtout dehors, parce que je comprends pas comment ils ont pu vivre à 4-5 dans un si petit espace. Nous avons dû, par la force des choses, et pour pouvoir continuer à exploiter ce chantier, nous reconvertir dans une activité de loisir qui est celle à la mode. Et en fait, tous les bateaux qui stationnent dans Paris, sur Neuilly, Saint-Cloud, Boulogne, tout ça, descendent de chez nous pour se faire, parce qu'ils sont soumis à une réglementation. Le bateau, théoriquement, doit être sorti de l'eau tous les 5 ans pour assurer son bon état de coque et tout cela. Alors, nous sortons ces bateaux, nous nettoyons les coques, nous prenons des épaisseurs de tôle, nous faisons les réparations qui s'imposent. La commission de surveillance, qui dépend des services de la navigation de la Seine, vient examiner le bateau afin de lui renouveler son autorisation de stationnement et tout cela. Alors, tout ça, c'est un processus qui fait qu'on a retrouvé une certaine activité de ce côté-là. Je veux dire, les cabines, même les cabines des bateaux de plaisance, elles restent quand même petites. Ici, elle fait quoi? Elle fait 7-8 mètres de long, sur 3,50 mètres. C'est-à-dire, ça, cette partie-ci, ils l'ont donc rajoutée. Alors bon, moi, j'ai rajouté... Enfin, le poêle, j'ai pris un plus grand poêle, parce que c'est quand même ce qui s'adapte le mieux. Et ils ont donc mis des fenêtres d'autobus, hein. Des fenêtres d'autobus. Moi, j'ai mis maintenant du double vitrage parce que les vitres à compas, c'est quand même assez, c'est assez courant d'Érieux. Enfin bref, c'est froid, surtout les deux hivers qu'on a passés là. J'avais chaud devant et froid derrière, devant le poêle, là, avec tout le chauffage à fond, j'avais encore froid. Donc maintenant, j'ai mis du double vitrage. On sort le bateau de l'eau, on le sonde, on regarde si la coque est en bon état. Si elle ne l'est pas, on remet la coque en état et ensuite, on peut commencer les aménagements. Donc on commence par faire un plancher de tôle dans le fond, sur lequel viendra se mettre des moquettes, tout ce que l'on peut imaginer, et ensuite à faire le cloisonnement. Et ça, c'est à la demande du client. Si le client demande à ce que l'on réalise un appartement de 4 pièces ou 5 pièces, parce que on dispose quand même de 27 mètres sur 5 mètres de surface disponible, c'est-à-dire 135 mètres carrés, à l'intérieur desquels on peut faire ce que l'on veut. Et on arrive, si vous voulez, à faire de beaux appartements avec... séjour, living et tout ça, avec un séjour qui peut faire dans les 60-70 mètres carrés. Alors ça permet quand même de vivre décemment. Alors à partir de là, on est obligé de créer des ouvertures dans les bordées, de faire des fenêtres, de faire des portes coulissantes. Et certaines personnes nous demandent de faire des superstructures. Parce qu'il y en a qui veulent faire des jardins d'hiver sur le pont, des trucs comme ça, ou des vérandas pour recevoir et tout cela. Enfin, en 57, ceux qui m'ont précédé, ils ont commencé à... En fait, c'était aménagé, mais ils n'habitaient pas. Comme c'était un couple de mariniers, ils restaient dans leur ancienne partie. Ils avaient stocké, comme pour la guerre, ils avaient stocké des biscottes et des machins là-haut. On voyait plus rien. Et tellement qu'il y avait des paquets, des provisions. Et puis ici, c'était la belle chambre, où il y avait une table. C'était fait pour sans doute une noce, un mariage qui ne s'est jamais fait, je ne sais pas. Il y a plusieurs motivations. Il y a d'abord des gens qui veulent se rapprocher de certains lieux géographiques, et particulièrement la région qui est très recherchée, c'est bien sûr Paris. Tous les gens voudraient stationner entre la Concorde, le pont de l'Alma. Non, mais là, à ce moment-là, on naviguerait plus parce que, effectivement, tous les gens veulent être par là-bas. Et vous en avez d'autres qui font des placements financiers, c'est-à-dire que, ou des placements dans l'immobilier, plutôt que d'acheter un appartement, ben, achètent un bateau qu'ils font aménager et le font stationner après en avoir obtenu l'autorisation, ce qui n'est pas toujours évident. Le font stationner dans des endroits qui sont très recherchés, tels que Neuilly, où plutôt que d'acheter un appartement de 2 ou 3 millions, ben, on achète un bateau qu'on fait aménager, ça coûte 1 million de francs, on a un appartement de 150 mètres carrés, qui est presque un pavillon parce qu'il est complètement indépendant et pas dans un immeuble, dans des endroits qui sont relativement agréables, parce que du côté de l'île de la Jatte, tous ces coins-là, c'est quand même assez agréable, il y a des arbres, et c'est calme, c'est à bras non navigable. Donc les bateaux ne les gênent pas, et bon, bah, c'est très recherché, ces coins-là. C'est une certaine clientèle qui vit sur les bateaux, ça faut bien le reconnaître. Beaucoup d'artistes. Perçu par les mariniers? On a eu un meilleur contact avec les anciens qu'avec les jeunes, oui. Les anciens, je sais pas, peut-être qu'ils trouvaient ça quand même une meilleure vie que le déchirage, là où le jeune, il aurait préféré peut-être un bateau en alu que ces vieilles choses, je veux dire. Et puis bon, bah, cette péniche, alors j'ai d'abord été à Conflans, ici, hein, on voit sur photo, Conflans. Ici on voit Johan Vernemen, qui était donc le propriétaire du Gueux. Hein, le Gueux, parce que je les ai rebaptisés Gueux et Gueuse. Celle-ci s'appelant Gueuse, sur laquelle on est. Et puis l'autre, que j'ai aménagé en café-épicerie, s'appelait Gueux. Mais en fait, à l'origine, il s'appelait Franz. Et celui-ci s'appelait Euro, de Eugène et Rosie. Oui, alors voilà la cale du Gueux. Là, on voit le Gueux qui est donc une diverse. Hein, donc un fraissinet, taille fraissinet, 38 mètres, avec la cale brute, quoi. Hein, comme n'importe quelle cale de péniche. Et dire, bon, ben, la première chose à faire, c'était de nettoyer, de racler. Hein. Là, un piano qu'on m'avait offert, elle n'était pas encore aménagée. Déjà, on voulait m'offrir quelque chose pour faire du spectacle. Là où en fait le piano était naze, et puis je l'ai mis, je l'ai beaucoup trimballé. Et puis là, en fait, il s'en est allé avec les crues, je l'avais mis à quai. Et puis avec les crues, le piano s'est envolé. D'ailleurs, maintenant, la péniche là, elle s'appelle le piano dans l'eau. C'est vrai ça. Elle s'appelle le piano dans l'eau et stationnaire à Joinville. C'est peut-être pour ça qu'il appelait le piano dans l'eau. Alors bon, ben on avait commencé ces aménagements, alors ça a l'air tout mignon, tout ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que une fois les aménagements à moitié finis, il y a eu le service de la navigation qui sont venus. Vous le connaissez, celui-là, Dugour, c'est un ingénieur. Alors vous voyez, il a pas l'air vraiment de quelqu'un de la marine, ni de la batellerie. D'ailleurs, là, il regarde les avions pendant qu'il est en train de disqualifier mon bateau. En fait, il y avait 3 tôles sur 50 qui n'avaient pas l'épaisseur voulue. Et du coup, il a disqualifié. Voilà, faut refaire un fond neuf, monsieur. Au revoir, monsieur. Moi, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait commencé les aménagements. Et donc, il a fallu un nouveau fond. Combien ça coûte, un nouveau fond? Le moins cher que j'ai trouvé, c'est à 6 millions. C'est du côté de Lens. En fait, j'ai compris pourquoi. Parce qu'ils embauchent des jeunes qui débauchent aussitôt que l'été fini. D'être éclusieux. Les mariniers savent ma trogne, ils me plaisantent et ils ont tort. Moitié sorcier, moitié ivrogne, je jette un sort à tous ceux qui chantent. Dans ce métier, c'est en automne qu'on cueille les pommes et les noyers. Ce n'est pas rien. Dans son panier, un enfant louche pour voir la mouche qui est sur son nez. Maman ronronne, le temps soupire, le chou transpire, le feu ronchonne. C'est en hiver qu'on pense au père qui s'est noyé. Ce n'est pas rien d'être écusier. Vers le printemps, les marinières ont les manières de leur chaland. J'aimerais leur jeu sans cette guerre qui, moi, ma guerre, trop épargne. C'est au printemps qu'on prend le temps de se noyer. Moi, j'aimais pas trop l'éclusier de Brel parce que je comprenais pas. Je la sentais, cette chanson, mais je la comprenais pas. Il y avait des espèces de mouvements d'accordéon. Je savais que ça s'appelait l'éclusier, et puis j'avais le son dans la tête, mais je ne la comprenais pas. Et en fait, depuis que j'habite les bateaux, je la comprends. Et je crois que le Brel, il a fait un work song, il a fait une chanson de travail. L'éclusier, il voyage les yeux fermés. En fait, c'est des pauvres fonctionnaires qui voyagent pas du tout. Ils voyagent pas du tout. Les autres voyagent pour eux dans ce métier. Même en été, il faut voyager les yeux fermés. C'est-à-dire, bon, ben, il faut, hein, voilà. Je peux dire, oui, depuis que j'habite sur une rivière, je crois que la rivière, elle m'a influencé. Moi, j'habite sur la rivière et la rivière habite en moi aussi. Hein, je veux dire, c'est bon, le mouvement donc de l'eau, les crues aussi. Il y a une espèce de tension dans les crues. Moi, je crois que la rivière est en chaleur un peu. Elle a ses règles un peu. Je veux dire, il y a une espèce de tension. Ça tire. On sent que la chose est urgente. Enfin, urgente. C'est une longue urgence régulière. Mais bon. Donc j'ai eu envie naturellement les envies me sont venues d'écrire des chansons fleuves, d'une part parce que c'est long comme un fleuve, c'est difficile à écrire sur un bateau ou sur un fleuve en 3 minutes, en 4 minutes. Donc nécessairement, ça m'a réconcilié avec la notion de longueur. Watching the river flow, Dylan dit ça. What's the matter with me? And I sit around this bank of sand and watch the river flow. Il dit, bon, je suis assis ici sur un banc de sable et puis je regarde la rivière couler, quoi. Ça va? Quelle belle vallée! Avec ses plaines, avec ses prés. Avec ses reines, avec ses fées. Elle est... Quelle belle vallée! Que je m'en vais te raconter. Que je m'en vais te rencontrer à pied. Les oiseaux ont les os creux comme des haricots. Les fourmis font leur nid en racines des pissenlits. Les radeaux ont le dos qui font frémir les roseaux. Les radis sont petits, c'est pour ouvrir l'appétit. Quelle belle vallée! Avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers, bondés. Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées, avec ses cultures labourées, l'été. Alors à la fin c'est... Quelle belle vallée, avec ses digues et ses bateaux, avec ses zigs et ses autos, zozo. Quelle belle vallée, avec ses ponts et ses chaussées, avec ses ronds et ses carrés, carrément. Oh, c'est des extraits, hein, c'est pas tout. Alors, d'ailleurs, il y a des pêcheurs et tout ça. Il y a les touristes, et ces touristes ne sont pas tristes, pollueurs et optimistes. Enfin, pour dire que petit à petit, j'essaie de contribuer un peu. Bon, c'est pas vraiment du work song dans le sens où je ne travaille pas avec ma péniche, je travaille sur ma péniche quand même, parce que bon, bah, l'entretien, hein, qu'elle navigue ou qu'elle navigue pas, l'entretien, il y en a. Hein. Donc, bon, enfin, j'ai pas fait de champ de travail vraiment, quoi. J'ai quand même pris le point de vue du spectateur, quoi, du spectateur de la vallée, quoi. Je regarde la vallée, et voilà. On dit en Hollande, on se met sur une chaise, on voit tout le pays. Hein? Et en fait, bon, ben, c'est un peu les canaux. C'est sûr qu'on a pas vraiment des montagnes dans la vue. Même y a quand même la Meuse qui est un peu tourmentée. Sinon, comme vallée, mais sinon, je veux dire, y a un peu ce côté long. Et d'ailleurs, même musicalement. Pour moi, un son, il faut que ça puisse s'en aller, quoi. Il faut qu'un son puisse s'étaler, s'éterniser. Et donc, naturellement, j'avais pas l'impression, enfin, j'étais pas surpris. En fait, j'avais l'impression, justement, d'avoir été parti longtemps en voiture et tout ça, faire des bêtises, et en fait, de revenir à... ce que j'appelle, moi, un peu un climat utérin, quoi. C'est que j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Et de toujours y avoir été, même si j'ai fait plein de choses qui n'ont aucun rapport avec la batellerie, dont tourner en salle et tout ça. Mais même après, je me suis fait une raison. Je me suis dit, une salle, c'est quoi? C'est une bassinée. C'est les gens, ils arrivent, et puis ils s'en vont. c'est comme une... Alors bon, à vrai dire, je ne sais pas si je suis éclusier ou marinier. Mais le côté voilà, itinérant, lent, me convient très bien. Oui. Madame et messieurs, donc dans quelques instants, le départ du chariot-bac sera effectué avec la vedette Paris. Bienvenue, je vous explique un peu le déroulement de la manœuvre qui s'effectue grâce à une petite astuce, très très simplement, donc avec peu d'énergie. Alors dès que le bac démarre, eh bien, il aura atteint très très vite, c'est ça qui est impressionnant, le Vieux Faval. Au bout de 4 minutes, et leur vitesse de croisière à bord de cette écluse qui se déplace. Cette vitesse sera de 60 cm à la seconde, les voilà partis, et vous allez voir, dans quelques instants, leur vitesse de croisière sera atteinte, le poids du bac, 920 tonnes. Also 920 Tonnen wiegt, meine Damen und Herren, der Trog zum Runterfahren. Der hat natürlich dieselbe Größe als die ganze andere Schleuse, in dem auf dem Rhein-Marne-Kanal. Und er fährt jetzt mit einer Geschwindigkeit von 60 cm pro Sekunde. Il n'existait pas en France de bateaux de plaisance pour les rivières. Enfin, il en existait, mais d'une ligne assez déplaisante et grossière. Et nous nous sommes demandé comment l'on pouvait créer un bateau pour les rivières. Et naturellement, nous avons pensé aux mariniers, naturellement, nous avons pensé aux péniches avant de créer ce bateau. Sa coque est largement inspirée des coques des péniches. C'est ce qui lui donne donc sa stabilité, d'une part. D'autre part, nous avons voulu créer un bateau confortable tout en ayant une esthétique. Grâce à cette coque que la pénichette est la seule à avoir dans les bateaux de rivière, c'est ce qui fait son originalité et sa force. Nous avons pu donc aménager des cabines en ayant donc la hauteur sous barreau tout en donnant une ligne à ce bateau. Alors le décrire, c'est un bateau qui est assez fin, qui est assez élégant, donc qui a toute la partie nuit à l'avant du bateau, aux trois quarts avant du bateau, et la partie séjour à l'arrière avec un poste de pilotage qui est surélevé de manière à donner suffisamment de visibilité aux pilotes. Ça, c'est essentiel pour la conduite du bateau. C'est ce qui fait que l'on est ensemble donc dans le séjour et en même temps avec le pilote. Et c'est ce qui fait également qu'à l'extérieur, on a un solarium suffisamment grand pour les bains de soleil. Oui. Oui, Bruno. 5 Blue Line. Hein. 5 Blue Line. Bon, je t'ai envoyé un avis là-haut. Hein. Le Blue Line est encore amarré ici. Hein. Dernier, il faudra le prévenir sur le bas. Celui-là, il a franchi. Il allait tellement vite, j'y ai fait les feux rouges. Il a franchi les feux rouges du pont et le feu rouge du machin du passage, là, de la vanne. Hein. Faudra le prévenir, hein, celui-là. Tu parles du Navido qui est monté ou les derniers Blue Line qui sortent de chez toi? Oui, le tout dernier Blue Line qui est passé ici. Hein. Mmh. D'accord, je ferai la commission. Tu prêtes ton nom et tout, hein, celui-là. Hein. Mmh. D'accord, Claude. Je dois dire qu'au début, c'était un peu difficile. Les canaux étaient pratiquement abandonnés par le commerce et également n'étaient pas encore fréquentés par la plaisance. Donc les mariniers n'avaient pas l'habitude de rencontrer de bateaux de plaisance, ce qui fait qu'au début, évidemment, ça leur a paru un peu gênant dans leur activité et parce que les plaisanciers ne savaient pas très bien manœuvrer. Alors maintenant, tout le monde est un peu rodé, aussi bien les sociétés de location de bateaux que les plaisanciers eux-mêmes, puisqu'ils reçoivent suffisamment d'instructions pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et tout le monde s'est habitué à vivre les uns avec les autres. Ça se passe bien. Dans des secteurs où il y a beaucoup de péniches, c'est un peu moins facile pour la plaisance. Mais je crois que les mariniers comprennent très bien que les canaux et les rivières ne peuvent survivre que grâce à la plaisance également. Est-ce que vous pensez que dans votre cas particulier, les mariniers ont été sensibles à la ligne un peu apparentée à celle de la péniche, la ligne des pénichettes ? Oui, nous en sommes d'ailleurs très heureux et très fiers parce que les mariniers, les éclusiers ont un petit faible pour les pénichettes du fait de leur ligne, du fait de cette appartenance à la batellerie traditionnelle. Est-ce que c'est possible de piloter ce genre de bateau sans permis fluvial ? Oui, il est permis en France de piloter donc ces bateaux sans permis. C'est une des raisons pour laquelle nous donnons une information complète le jour du départ, de sorte que les néophytes à ce type de vacances et les néophytes au plaisir de l'eau, tout simplement, puissent bien se débrouiller ensuite durant leur semaine. Thank you. je vais m'amarrer à Cantelou. Viens me voir, il y a du nouveau. Tout à l'heure. Jacques Artaud, réalisateur de L'Homme du Picardie. Il a fallu qu'on se connaisse, c'est d'abord ça. Il y avait un problème de méfiance. Les mariniers sont des gens, ils ont raison de l'être, assez méfiants. Parce que, parce que si vous voulez, on a un petit peu dégénéré leur profession. Peut-être par, parce que dans l'esprit de tout le monde, un marinier, c'est quelqu'un, c'est un voyageur, donc c'est un peu un saltimbanque quelque part. C'est des gens sur le fleuve, un peu des bohémiens de l'eau, si vous voulez. Et ils ont souffert de ça longtemps. Alors quand ils ont su qu'on faisait un feuilleton les concernant, ils se sont dit, ça va encore être une histoire poético-romanesque où on va être des sortes de fumistes comme ça, alors que c'est un métier très sérieux et très dur et très rude. Et donc ça a été le premier obstacle, ça a été qu'ils prennent conscience que l'histoire était une histoire vraie par rapport à leurs vrais problèmes. Et que ça les concernait directement. Et pour ça, donc, l'histoire a été écrite par Henri Granger et André Maheu, qui étaient deux formidables auteurs de télévision, qui ont, on le sait pas trop, mais qui ont inventé les 5 dernières minutes, par exemple, si vous voulez, avec qui j'ai fait L'Homme du Picardie ensuite, puis La Ligne de démarcation et des tas d'autres histoires, étaient vraiment les inventeurs d'une fiction, d'une télévision. Et extrêmement documenté. C'est-à-dire qu'avant d'écrire une ligne, il prenait le soin pendant des jours, des semaines, des mois, quelquefois, d'aller sur le terrain, de faire une véritable enquête de journaliste. Il faisait une enquête comme s'ils allaient écrire une série d'articles avant de commencer l'écriture. Et c'est après en avoir parlé avec des quantités de spécialistes, où les gens de Conflans-Sainte-Honorine, etc., étaient au courant, que l'écriture a été faite et racontait des histoires qui, bien qu'étant une fiction, étaient dérivées d'histoires vraies. Est-ce que vous aviez un conseiller technique sur le tournage ? Il n'était pas sur le tournage d'une façon permanente, mais au moment de l'écriture, je crois que c'est Monsieur Leclerc de Conflans qui a, donné tout, soufflé à l'oreille des auteurs toutes les indications. Mais personnellement, non, moi j'ai passé du temps sur des péniches d'abord. J'ai regardé comment ça marchait, comment ça fonctionnait, pour étudier le comportement avec mes comédiens, avec Barbier, avec Yvette Etiévant, avec Léon qui jouait la fille, leur fille, avec Pierre Santini. On a étudié, si vous voulez, la façon d'être. On marche peut-être pas exactement de la même façon sur un bateau. Là, il y a aussi une manière de tenir, non pas la barre, mais le macaron. Vous voyez, il y a un jargon comme ça. Bien que ça soit loin, ça m'est resté fidèle dans la mémoire. Et si vous voulez, on a tourné que après avoir bien vérifié. Puis nous avions, oui, quand je dis qu'on n'avait pas, si. Alors là, comme il y a plus de 20 ans, le nom m'échappe, vous m'en voudrez pas, mais il y avait une doublure pilote du Picardie, de la péniche. Barbier la pilotait souvent, mais c'est certain que pour toutes les passages d'écluses, les passages difficiles, il y avait un marinier et sa femme, d'ailleurs, qui habitaient à bord, et le chien, qui est celui du film, qui habitait à bord, et que nous avions engagé le temps du film, c'est-à-dire pendant 5 mois. Donc, si vous voulez, on se référait à eux automatiquement. Il s'agit pas de choses très compliquées, mais de choses essentielles. Par exemple, je me rappelle d'un détail, comment poser un balai, ces balais brosses avec lesquels on nettoie le pont des pénichements. Ça se met pas n'importe comment un balai brosse. Ça se pose d'une certaine manière, dans un certain sens. Si on le pose dans l'autre sens, dès qu'un marinier verra le film, il dira c'est des rigolos, vous comprenez? Alors, il faut s'attacher au moindre détail, il faut penser à tout. Je crois qu'il y avait une authenticité absolue et qu'ils se sont tout à fait reconnus. Et non seulement ils n'ont pas, ils n'ont pas réclamé et ils n'ont pas trouvé d'invraisemblance, mais ils ont reconnu Christian Barbier comme un des leurs. Et Barbier, le comédien, enfin lui n'avait jamais mis les pieds sur un automoteur, comme on dit, enfin une péniche, avant de tourner ce film. Cette série est devenue un héros entre guillemets chez les mariniers. Et je me rappelle très bien que l'année qui a suivi la sortie du film en 69, on a été les invités d'honneur de la grande descente de la Seine au moment de la fête des mariniers entre Paris et Conflans. Vous savez qu'il se forme un immense cortège qui part du cœur de Paris, enfin de la bourse là, hein, des mariniers, et qui va jusqu'à Conflans, capitale de la batellerie. Et Christian et Yvette, enfin, et tous les comédiens ont descendu comme des rois la Seine, et entourés de dizaines de péniches, de bateaux qui hissaient les couleurs quand on passait, qui mettaient la sirène en marche. Je veux dire, ça a été triomphal, cette descente de la Seine à la grande fête de la batellerie. C'est un formidable souvenir. Ça prouve que ça avait marché, si vous voulez. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Ben, c'est ce que je disais à ton père. Ben, si on n'est pas en urgence ce soir pour charger, ça va nous retarder 12 jours. Peut-être de 15. T'as envie de rester 15 jours à te tourner les pouces? Ben, moi pas. J'ai pas les moyens. D'ailleurs, il y en a pas tellement que ça de brouillard. Et puis, c'est pas la première fois. Tu restes à l'avant, Yvette. Tu me guideras sur la berge. Et toi, va nous faire du café. D'une manière que les gens à terre ne se rendent pas compte. Je veux pas vous démoraliser, mais les gens à terre ont beaucoup de mal à comprendre la bâtisse. On a beau leur expliquer, c'est un peu comme une autre civilisation, comme une... pas une autre race, mais une autre civilisation, tout à fait à part. Alors qu'on vit dans le même pays, peut-être même on se côtoie et... Je vois des gens tous les jours où j'essaie d'en parler plus ou moins, mais vous savez, dans les bureaux, on ne parle pas trop de sa vie. Mais bon, je leur ai dit là, par exemple, que j'étais au pardon de la batterie. Bon, ben, j'ai fait des photos, je vais leur montrer des photos. Mais on ne peut pas expliquer trop. Je me souviens une fois, un collègue de mon âge, de 26 ans, qui m'avait demandé... Comment se fait-il qu'il y ait encore des péniches? Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de voitures à charrettes tirées par des chevaux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des péniches. Alors pour lui, une péniche, c'était l'équivalent d'une voiture tirée par des chevaux. Maintenant, on a des voitures à essence, alors il ne devrait pas non plus y avoir de péniches. Alors je me suis arrêtée là, j'ai pas engagé la discussion plus loin parce que... Je me suis dit qu'on ne prendra jamais que les bateaux continuent toujours à exister. Nuit magnétique. Les mariniers. Monsieur Renard, bateau Jocelyne. La famille Pioche, bateau Élite. La famille Leclerc, bateau Pils. Famille Laure, Villa des Laures. L'équipage du Montreuil. Julienne Grimaud, bateau Saint-Louis. Dick Hanegarn, bateau La Gueuse. Monsieur Zeller, chantier naval d'Achère. Olympe Pafsides, créatrice de la Pénichette. Jacques Herthaud, cinéaste. Texte lu par Richard Boringer et Liliane Nataf. Un grand merci aux sociétés Locaboat et Blue Line, sans lesquelles ces émissions n'auraient pu avoir lieu. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 janvier 1988. La série des mariniers a obtenu le prix Paul Gilson 1988. À lire La vie des mariniers de Josette Collin, édition Plomb. Vous pourrez réécouter cette émission et toute la série en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. He was a sailor teen, a sailor of love, and he thought he could save her from innocence up and above, 'cause he never knew freedom, and under the dove it, he stayed for a lifetime without any government help or assistance. She was a widow, she never left home before 7 a.m. and she looked by the window. She managed to cry but to never feel blame for the death of her husband, who died in a flame by the house of the river, although he remained in a reasonable distance. He brought her flowers, a flash in the pan, as she didn't reply, and he waited for hours until she accepted to offer a smile and a terrible whiskey she had for a while that she'd sip every morning for breakfast and sigh since the months of December. They used to tango, jump and parade, and to meet at home she convinced him to forego. Drink lemonade with some awkward liquor, then she kissed him goodbye and attended the shore, and she lit a big fire like never before by the house of the river. To cry, but you never feel blame for the death of her husband.